comprennent ça. Combien ont consacré leur vie tout entière au sport, puis se sont mis à consommer et vendre de la drogue, tout ça pour oublier leur rêve de football. Combien ont fini derrière les barreaux, combien sont devenus pros, vie destinée au ballon. La confiance est la seule à source d'amitié. Elle a des dettes envers toi, si elle est vraie, tu tires un trait. J'ai rencontré respect, haine l'a attiré. Puis j'ai connu méfiance par peur de me faire enculer. Accompagné par l'amour de mes repères, chaque jour je me répète que haram gagne avec perte. Kirikou c'est un frère, mais comme lui en a peu. Préserve ton cœur de fer et ton caractère de feu. Les pieds ancrés dans la merde et la tête dans la fraîche. On s'en remet à Dieu seulement quand vient la haisse. J'ai vu la trahison avoir un beau sourire dans les yeux d'un mec bien, il s'y cache des larmes de soucis. Train de vie sombre et la routine est souillée. Je veux des projets solides car les liquides nous mènent à l'ombre. Y'a pas plus riche que l'humble, le bonheur le poursuit. C'est celui qui a rien qui fait croire qu'il a tout pour lui. Oui l'argent te pourrit, mais comment faire quand on en a pas, hein? Je veux remplir les poches, j'ai pas le courage de tendre la patte, hein? Lâcher un lâche, c'est difficile de le rattraper. Cousin marcher la planche et courir tout seul à sa perte. Combien sont dans l'impasse de leur passé. Imparfait, un parcours à parfaire. Ce que je vais brasser ici, je le paierai en enfer. Empoisonné et présent, balafré par la prison. Des peines, t'en as eu, t'en as offert. Endetté et en haisse de haisse net. Dans les mains de solitude, HK sur les canettes. Ce qui est occasionnel devient vite une habitude. Je te parle alcool, bédard et biture. Sentiment agrome, car plaisir veut te bicrave son corps. Le désir sort plus du cœur mais de la queue. Des veines craquent dans les veuques. Quand pénurie débarque, toxico ça hache les veuches. Ça mise tout sur les calages dans les braquages ou les cartes. Quitte à finir en boîte, les couilles posées sur la table. Une jeunesse caladale et maîtrise l'art de la gratte. Expert du code pénal, à force de passer à la barre. Quand la BAC me palpe, toujours du pack dans les yeux. À force de voir ces trous de balles, la mer pousse dans mes yeux. Bloqué entre deux mondes, assis entre deux chaises. Entre en jet démon, entre une fille bien et une chienne. Plus de zéro sur l'échec, je veux signer des contrats. T'es celui qui est sur ma tête. La réalité augmente mon quota de terre. Le temps presse la gâchette, à moitié du bon côté. Je déche par ma fenêtre, le constat d'une vie gâchée. J'ai détaillé le H, j'ai pas su m'en détacher. Ta clé dans la surface où mes rêves étaient attachés. J'ai taffé à la chaîne pour éviter d'être enchaîné. Je pensais qu'à traîner en oubliant de m'entraîner. J'ai aiguisé mes punchlines, appelle ça des punchlines. Du sang entre mes lignes, car chaque crime c'est un coup de schlasse. Les petits voient le courage dans une boule de cocaïne. Ils passent du coca à l'âne, se shoot à la protéine. Sur la prod, je me délivre, je veux plus être une figurine. Je m'arrache de vos ficelles, je décroche la gloire en featuring. Qu'Allah nous protège du rhin, je prétends pas peser des litres. L'orgueil est libre, et sa fierté a le pouvoir de briser des ivres. Je calcule pas le bruit qui court, dans le silence je m'abrite. Je m'agrippe et mes cris sont souvent sourds. Saoulé face à la tristesse, ma seule richesse. C'est dans les sous, ça ne fait pas mon bonheur. Mais sans l'oseille je souffre. Je voyage avec ma drogue, des projets plein la soute. Je troquerai jamais mon âme contre une étoile du foot. Je vois tellement large que ma vision devient floue. À l'écart de la foule, on me redoute comme Bébert et la foudre. On me redoute comme Bébert et la foudre. Bébert, Bébert. Ce qu'on s'aimerait on l'assume. Et on consomme avec du seul qui nous console. De qu'on parcelle des voyelles et quelques consoles. De savoir on s'arrête, on laisse les consoles. Et une somme.